Chapitre 9. Différence du poète et de l'historien. Des fables épisodiques dans la tragédie. Par tout ce que nous venons de dire, il est évident que l'objet du poète est non de traiter le vrai comme il est arrivé, mais comme il aurait pu arriver, et de traiter le possible selon le vraisemblable ou le nécessaire. Car la différence du poète et de l'historien n'est point en ce que l'un parle en vers, l'autre en prose. Les écrits d'Hérodote mis en vers ne seraient toujours qu'une histoire. Ils diffèrent en ce que l'un dit ce qui a été fait, et l'autre ce qui aurait dû être fait. C'est pour cela que la poésie est beaucoup plus philosophique et plus instructive que l'histoire. Celle-ci peint les choses dans le particulier. La poésie les peint dans le général. Le général est ce qu'un homme quelconque, d'un caractère donné, peut ou doit dire ou faire, selon le vraisemblable ou le nécessaire que la poésie a en vue lorsqu'elle impose les noms de l'histoire. Le particulier est ce qu'a fait Alcibiade, ou ce qu'on lui a fait. Ce procédé est sensible, surtout dans la comédie, où les poètes composent d'abord leur sujet selon le vraisemblable, pour y mettre après les noms qui s'offrent à leur imagination. Dans les satires, c'est le contraire. On prend d'abord le nom des personnes, ensuite on arrange sur elles l'action. Mais dans la tragédie, on emploie les noms de l'histoire. La raison est que nous croyons aisément ce qui nous paraît possible, et que ce qui n'est pas encore arrivé ne nous paraît pas aussi possible que ce qui est arrivé. Car s'il n'eût pas été possible, il ne serait pas arrivé. Cependant, il y a des tragédies où l'on s'écarte de cette règle, et où l'on ne trouve qu'un ou deux noms qui soient vrais. Il y en a même où tous les noms sont fins, comme dans La fleur d'Agathon. Car noms et sujets, tout y est de pure fiction, et la pièce n'en fait pas moins de plaisir. Ce n'est donc pas une nécessité que les sujets soient tirés des histoires connues. Ce serait même ridicule de l'exiger, par la raison évidente que les histoires connues ne le sont que du petit nombre, et que les pièces font le même plaisir à tous. Il suit de là qu'un poète doit être poète plus par la composition de l'action que par celle des vers, puisqu'il n'est poète que par ce qu'il imite, et que ce sont des actions qu'il imite. Il ne le serait toutefois pas moins quand l'action serait vraie, parce que rien n'empêche que le vrai ne ressemble au vraisemblable, qui seul fait et constitue le poète. Parmi les fables, ou actions simples, les épisodiques sont les moins bonnes. J'entends par fables épisodiques celles dont les parties ne sont liées entre elles ni nécessairement, ni vraisemblablement. Ce qui arrive aux poètes médiocres, par leur faute, et aux bons par celle des acteurs. Pour faire à ceux-ci des rôles qui leur plaisent, on étend une fable au-delà de sa portée. Les liaisons se rompent et la continuité n'y est plus. La tragédie, étant non seulement l'imitation d'une action, mais d'une action qui excite la terreur et la pitié, cet effet se produit quand les événements naissent les uns des autres, surtout sans être attendus. Ils causent alors bien plus de surprises que s'ils arrivaient comme d'eux-mêmes et par hasard. Cela est si vrai que ceux que le hasard produit sont plus piquants quand ils semblent être l'effet d'un dessein. Quant à Argos, la statue de Mitis tomba sur celui qui avait tué ce même Mitis et l'écrasa au moment qu'il la considérait, cela fut intéressant, parce que cela semblait renfermer un dessein. J'en conclus qu'on doit donner ce mérite aux fables de la poésie.